Mes petits frères font midi-midi, mais la juge appelle ça de l'argent facile. Ma femme coulant sur le qui-vive, y'a pas de chômage, de prime de risque. Y'a pas de sous mon frère, à partir de là y'a pas de sous métier. Y'a pas de sous mon frère, à partir de là y'a pas trop d'amitié. On prend le métro, le plus le Uber, pour livrer la coque à bon port. Les baskets rouées, c'est tellement la haisse, on vendrait de la coque à nos pères. Une balle dans la tête du gérant, ce bâtard nous fait le patron. Le guetteur a grandi mon frère, j'ai trouvé de la blanche avec de le litron. Je vais dans l'illégal, dans le haram, les voyous dans la politique. Je ne suis pas polygame, jalouse et ma femme. Je ne peux pas faire de la musique pour les petites. Je viens d'Herbel, toi nique ta mère. Quand y'a les embrouilles, tu fais marche arrière. Y'a de la peu, tu chites à l'herbe. Des connexions jusqu'à Palerme. Devant le guichet, on a pris date 2, mais ne compte pas sur nous pour se la rendre. On cherche l'infinite, mais c'est pas mal si on tombe sur la one. Si on tombe sur la gold, plaque retapée, on fait le tour de la France. On enfonce quelques signes et on rentre sur la côte. On fera des achats avec 2-3 bricoles et 40 côté match. Hors de question qu'on la lâche, à découvert tu seras, oui c'est notre côté lâche. J'fais de la magie comme mon pote au ciment de la belle de mai. Devant les guichets, eh ouais mon pote ils ont cabré RG. T'étais le prochain obligé. J'fais le tour de la France en 2 jours. Au volant des guetteurs que je gère. Et j'insulte et balance comme toujours. Quand je les vois gros, ils gênent, ils nous gèrent. Moi, je suis pas une star. Et si tu me vois, ne fais pas la choquer. Ma femme ne me fait pas confiance. Si je l'écoute, je ne fais pas de showcase. Ces premiers albums, les écrasements de tête seront jamais finis. Tu nous connais pas et ça se voit. Car si c'était le cas, tu serais jamais venu. Parlons de ta soeur, quand j'allais en venir. Un flash, un hôtel sous vêtements en velours. Elle a tellement fait qu'elle viendrait en vélib. Je les baisse dans le son, tout mire leur fait l'amour. Si tu veux de la coque, j'ai des kills de 16. Tu vois qui me cherche, le 9-4 c'est la braque. À Marseille c'est le shit, j'investis dans la brique. Dans le nord c'est le crack. 6-9 c'est l'Afrique, ah ouais.